C'est le moment de suivre le journal et merci d'être toujours avec nous. Voici les grands titres de cette édition. Alors que des centaines de tonnes de sucre sont attendues pour être livrées ce mois de mars en mairie de Bujumbura, les consommateurs de ce produit dans certaines zones se plaignent de n'avoir pas ce produit depuis plus de mois. Et plus de 7 milliards de francs burundais ont été débloqués par l'INSS les trois dernières années au titre des indemnisations des risques professionnels. 3500 victimes d'accidents de travail ont été servies. La radio-télévision Isanganiro se projette dans l'avenir et organise un renforcement des capacités en faveur des artistes musiciens. L'objectif est d'offrir d'Isanganiro Award une compétition régionale pour les 10 ans à venir. La chronique parle Rassure-moi de ce mercredi revient sur le comportement adopté face à des groupes auteurs ou propagateurs de messages de haine. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Plus de 600 tonnes de sucre de la Sosumo seront livrées aux consommateurs au cours de ce mois de mars en mairie de Bujumbura. Des citoyens de certaines zones se lamentent qu'ils n'ont pas accès à ce produit depuis plus de mois. Le sucre disponible est dit importé et vendu jusqu'à 10 000 francs burundais au kilo, alors que celui de la Sosumo doit coûter 6 000 francs burundais une fois disponible. La direction de la société sucrière du Mosso affirme que la quantité distribuée n'a pas encore été diminuée et qu'elle est mise dans les mains des grossistes estimés à plus de 300. On fait le point avec Alain Désiré Boukéenet. 686 tonnes de sucre produits par la Sosumo devront être livrées à mairie de Bujumbura au cours de ce mois de mars. 315 grossistes sont répartis à travers 13 zones de la mairie pour la commercialisation de ce produit. La commune de Nahangwa, qui comporte 6 zones, doit avoir 366 tonnes, une plus grande quantité par rapport aux autres communes de la mairie. Ce mois de mars, il est prévu que les zones de Kinama et Gihosha aient 88 tonnes chacune. La zone de Ngagara aura 64, Kamenge 45, tandis que 43 tonnes de sucre sont pour la zone Buterere. Dans cette commune de Nahangwa, le nombre de grossistes pour ce sucre de la Sosumo est estimé à 175, 52 sont en zone Kinama. En commune Mukaza, la quantité de sucre de la Sosumo prévue est à 166 tonnes au cours de ce mois de mars. Les grossistes sont estimés à 72, répartis à travers 4 zones. Selon les prévisions de la société sucrière du Mosso, dans cette commune de Mukaza, une grande quantité revient à la zone Rohero, soit 76 tonnes. 33 tonnes sont pour la zone Nyakabiga et 24 tonnes à Brisa. S'agissant d'Omuha, la commune comporte 68 grossistes du sucre produit par la Sosumo. 153 tonnes seront distribuées à travers trois zones de la commune au cours de ce mois de mars. La zone de Kanyosha doit avoir 77 tonnes, Musaga 50 tonnes et 25 tonnes sont prévues pour la zone Kinindo. La société sucrière du Mosso, Sosumo, annonce que toute cette quantité distribuée est mise à la disposition de l'administration qui en assure le suivi. Alain Désiré Boukéenèze. Plus de 7 milliards de francs burundais, c'est la somme débloquée par l'Institut national de sécurité sociale, INSS, les trois dernières années, depuis 2022 donc, au titre des indemnisations des risques professionnels. Propos du directeur général de cet institut dans un atelier technique d'échange sur la prévention des risques professionnels. C'était ce mardi. Emmanuel Miburo a expliqué que cette somme a été versée sur les comptes de plus de 3500 victimes d'accidents de travail. On l'écoute. L'INSS gère des régimes. Il y a le régime de pension qui s'occupe spécialement des pensions de retraite et d'autres pensions, puisqu'il y a aussi des pensions anticipées, il y a des pensions d'invalidité. Il y a aussi des pensions que l'on donne aux endroits de décès. Mais il y a aussi à côté du régime de pension, le régime de risque professionnel. Quand on parle de risque professionnel, on fait allusion aux accidents de travail et aux maladies professionnelles. Dans ce régime, on ne fait pas pas seulement les soins médicaux et le lente d'incapacité. On fait aussi des programmes pour la prévention des risques professionnels. Ce qui nous a rassemblés aujourd'hui, c'est justement la prévention. Puisque quand on fait la prévention d'une manière adéquate, les accidents de travail et les maladies professionnelles, cela diminue et le coût de réparation aussi sera moindre. Nous avons quelques chiffres qui montrent que la situation n'est pas bonne. Par exemple, sur les trois années 2022, l'année 2023 et 2024, nous avons enregistré 3624 cas d'accidents et de maladies professionnelles qui ont été déclarés à l'UNESES. En même temps, l'UNESES a déboursé un montant de 7 milliards pour la réparation des dommages causés par les risques professionnels. Ce que nous visons dans cet atelier, d'abord c'est un atelier qui a rassemblé les différentes parties prenantes pour prendre des décisions et des stratégies pour justement améliorer ce domaine. C'était Emmanuel Miburo, directeur général de l'Institut national de sécurité sociale, INSS. Pour faire d'Isanganiro Award une compétition régionale pour les 10 ans à venir, on aura besoin des artistes, musiciens, producteurs ainsi que des compositeurs ayant les meilleures compétences dans leur carrière. C'est dans cette optique que la radio-télévision Isanganiro a organisé un atelier de renforcement des capacités aux artistes musiciens retenu à la première phase de présélection pour la 13e édition de la compétition Isanganiro Award. Comme l'indique Charles Makoto, directeur de ce médium, les artistes qui étaient présents apprécient les connaissances acquises. Un reportage de Stella Naishimiye. Ce sont là quelques-uns des artistes musiciens qui ont participé à cet atelier de formation organisé par la radio-télévision Isanganiro à l'endroit des 20 artistes musiciens retenus à la première phase de la 13e édition de la compétition Isanganiro Award. Kayawak et Claudine, surnommés Kadike dans la carrière musicale, remercient la radio-télévision Isanganiro pour cette initiative et les connaissances qu'elle a pu acquérir. J'ai beaucoup appris concernant la musique, concernant comment un artiste burundais peut vendre sa musique avec les plateformes, apprendre les stratégies qu'il faut utiliser pour que la musique soit un métier, soit bénéfique pour les artistes. On nous a vraiment beaucoup formés concernant exactement ce qu'on peut faire pour que nos musiques émergent. Les autres médias sont invités à prendre la RTI comme modèle dans la promotion de la musique burundaise, comme indique Pacific Nzitonda, un des formateurs à cet atelier. La radio Isanganiro est à féliciter. Il faut que d'autres médias fassent de même pour qu'il y ait beaucoup d'émissions, beaucoup d'awards, parce que même si un chanteur ne gagne pas 100 millions, il gagne cette popularité. Cette connaissance d'être choisi par la population et que la compétition a été transparente. Il faut que d'autres médias prennent la radio Isanganiro pour exemple. Le directeur de la radio-télévision Isanganiro, Charles Makoto, nous précise que l'idée derrière cette formation est de rendre cette compétition régionale. C'est un long chemin, c'est 10 ans que nous commençons, mais qui s'inscrit dans la finalisation de la 13e édition de la compétition Isanganiro Award, mais qui va également s'inscrire dans le temps, dans le prolongement de cette activité, afin de faire du Isanganiro Award une compétition musicale au niveau sous-régional, au niveau régional, même au niveau Afrique, pourquoi pas au niveau du monde. La finale de cette compétition musicale Isanganiro Award est prévue le 29 mars prochain. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les institutions de l'État concernées n'ont aucun prétexte à avancer pour ne pas résoudre le problème de pénurie de carburant qui paralyse différents services. Avis des participants à un atelier sur l'impact de la pénurie du carburant sur l'économie nationale, organisé ce mardi par l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM. Cette organisation estime que la pénurie persistante du carburant serait causée par un groupe de gens qui travaillent pour leurs propres intérêts. On fait le point avec Claude Itangishak. Certains participants dans l'atelier organisé par l'Observatoire de lutte contre la malversation économique trouvent que les principales causes majeures de la pénurie du carburant au Burundi seraient le manque de devises et le monopole dans l'importation du carburant. La raison du manque du carburant est la carence de devises. Et pour avoir ces devises, il faut que les récoltes soient abondantes pour avoir à exporter. La première recommandation est d'augmenter les récoltes pour avoir les devises qui vont nous servir à importer le carburant. Autre chose, il faut qu'il y ait des investisseurs étrangers qui ont déjà leur capital en devises et aussi exonérer leur marché pour que le carburant soit en abondance au pays. Il faut qu'il n'y ait pas de monopole pour que quiconque ait son capital amène le carburant pour aider au développement du pays. D'autres trouvent qu'il y a un groupe de gens qui investissent dans ce domaine pour leurs propres intérêts. Malgré cela, ces participants estiment que les institutions de l'État en charge de produits pétroliers n'ont pas d'excuses pour ne pas trouver solution à ce problème. Je ne pense pas que le problème majeur pour la pénurie du carburant concerne le manque d'argent seulement. Oui, les devises ne sont pas du tout abondantes, mais quand je fais une observation pour les autres travaux, comme la construction des hôtels, donc il y a un Sonovapa, un agenda caché dans l'affaire du carburant. Est-ce que vous trouvez que ça serait un manque de devises ou il s'agit d'un groupe déjà mal intentionné pour la situation auquel nous sommes déjà? Dans les recommandations, ces participants demandent à la société pétrolière du Burundi, Sopebu, de bien gérer la quantité importée et veiller à sa distribution. Ils ont aussi suggéré que le gouvernement ouvre des portes à d'autres importateurs privés pouvant importer la quantité suffisante. Et certaines femmes de la commune et province Rumonge, vendeuses de poissons sur le port de pêche de Rumonge ou faisant la restauration, sont satisfaites de pas déjà franchis dans leur développement. Certaines d'entre elles affirment avoir pu acheter des maisons grâce à l'argent gagné dans ces activités commerciales. Elles invitent d'autres femmes à travailler pour ne pas tout attendre de leurs époux. Jean-Marie Mayonga. Nous sommes au port de pêche du lac Tanganyika à Rumonge. Il est 7h du matin, les pêcheurs commencent à arriver sur le lieu où ils déposent les poissons pêchés. En jetant loin des yeux, tu vois le mouvement des femmes qui font le commerce de poissons Mukeke Indagala. De l'autre côté, dans ce même endroit, il y a d'autres femmes qui ont des restaurants. Ces femmes disent que ces activités sont importantes car elles ont atteint un grand pas dans le développement grâce à ces activités. J'ai plus de 15 ans dans le commerce des poissons et cette activité fait vivre ma famille. J'y trouve la ration quotidienne de mes enfants. Et après vente, il y a une somme d'argent que je garde pour faire d'autres activités à la maison. Je fais le travail de restauration ici au bord du lac. Il y a du gain car avant j'habitais dans une maison payée mensuellement. Mais aujourd'hui, j'ai ma propre parcelle où j'habite avec ma famille. Je m'organise en achetant des petits bétails et faire soigner mes enfants. Quand mon mari n'a rien eu, alors on met ensemble ce qu'on a reçu. Quant aux défis rencontrés, surtout par les femmes qui exercent le commerce des poissons, c'est l'interdiction de les vendre à l'extérieur du marché de Rumonge et souvent leurs poissons sont confisqués par les agents de la sécurité. Elles demandent d'être facilitées pour exercer bien leur travail. Les problèmes rencontrés sont les plus souvent l'interdiction de vendre nos poissons derrière le marché et ils prennent nos poissons. Nous demandons l'autorisation de rester derrière le marché pour gagner la vie et chercher la ration de nos enfants. Odosse Mukeshimana, conseiller économique et social dans la commune de Rumonge, ce commerce des poissons contribue dans les recettes communales. Il demande à ces femmes d'exercer ce travail dans une autre place appelée marché chez Sillon. Quand la femme va vendre les poissons, il y a des gains, il y a le bénéfice qui entre dans la famille. Il y a la diminution des conflits liés à la pauvreté. En vendant ces poissons, la commune trouve l'occasion aussi de collecter les taxes journalières. Ça entraîne l'augmentation de l'économie de la commune. Il y a un autre marché qu'on appelle Guagula Supermarket. C'est un autre marché qui est destiné pour accueillir des gens qui veulent faire le commerce. Nous conseillons chaque fois ces femmes-là d'aller vendre les poissons là-bas, même si elles n'acceptent pas. Ces activités menées par ces femmes sont appréciées et soutenues par leurs conjoints, disait-elle. On reste à Rumonge pour vous dire qu'un homme soupçonné d'être un voleur a vu sa main droite coupée la matinée de ce mardi dans le quartier Rukinga de la ville de Rumonge. Il a été retrouvé agonisant dans un champ de manioc, non loin de l'endroit où avait été retrouvé un autre jeune homme ayant subi le même sort et décédé ensuite à l'hôpital il y a une semaine. Un autre homme, lui aussi soupçonné d'être un voleur et qui était déjà battu par la population, a été sauvé par la police de Mohuta. Dans tous ces cas, l'administration appelle au non-recours à la justice populaire. Jean-Pierre Misago. Cet homme dont la main droite a été coupée, accusé d'être un voleur, a déclaré avoir été arrêté dans le quartier Swahili de la ville de Rumonge vers 3h30 du matin de ce mercredi, selon des sources administratives et policières à Rumonge. Selon ces sources, cet homme se réclamant originaire de la commune Gitega, mais habitant actuellement le quartier Swahili de la ville de Rumonge, a nié avoir été attrapé en flagrant délit par un groupe de personnes non bien identifiées qui l'ont battu, puis l'ont conduit sur la colline Rukinga où ils l'ont coupé la main droite. Vers 7h du matin de ce mercredi, un constat policier a été effectué avant de conduire cet homme à l'hôpital de Rumonge et continuer les enquêtes policières. Sur la colline Rutunga de la commune Muhuta, c'est un autre homme originaire de Magara, en commune Bugarama, voisine de Muhuta, qui a été sauvé par la police l'avant-midi de ce lundi après des coups et blessures lui infligés par la population qu'il avait ceinturé après l'avoir attrapé en train de défoncer une porte d'une maison à Kibingo, voisine de Rutunga. Des sources à Gitaza disent que la police le retient pour la poursuite des enquêtes étant en sécurité après les soins reçus à Gitaza même. Dans les deux cas, l'administration locale appelle la population sous les responsabilités d'éviter de se faire justice, mais de saisir les instances compétentes chaque fois que de besoin. Il y a une semaine, qu'un autre homme avait été retrouvé la main gauche coupée à Rukinga même, mais n'a pas révélé où il a été attrapé avant de succomber à ses blessures à l'hôpital. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Dans cette chronique, on revient sur le comportement adopté face à des groupes auteurs ou propagateurs des messages de haine. Certains habitants de la commune Makeboko en province Gitega en appellent à la pacification pour éviter des divisions des communautés pouvant déboucher sur des violences de masse. De son côté, Patrice Sabuguheba, sociologue, suggère que l'entourage soit témoin ou acteur de paix. Mireille Kanyange. Ces habitants de la colline Mwaro Mavumu en commune Makebuko expliquent avoir assisté à des groupes qui se lancent des messages de haine et qu'ils ont ainsi agi. Ils affirment avoir agi pour prévenir des violences de masse. Selon Simeon Bukuru, secrétaire exécutif et permanent de la commune Makebuko, il faut toujours défendre la vérité. Face à l'inertie des gens qui voient, qui entendent ces messages haineux, Patrice Sabuguheba, sociologue, rappelle que les blessures du passé ravivent ce genre de messages. Ceux qui se lancent des messages pendant la campagne, c'est le résultat d'une certaine frustration vécue, accumulée. Cette frustration vécue, accumulée, refoulée, explose. Et explose uniquement pendant cette petite période de campagne. Et là, l'ambiance se chauffe, se surchauffe. Pour le cas d'espèce, on parle des responsables politiques parce qu'on approche des élections. Mais sinon, les violences s'observent même dans les églises, dans d'autres situations économiques où des gens en conflit parce qu'il y a des intérêts lésés. Chaque fois, il faut appeler à la violence. Il suggère que les gens agissent en acteurs de paix pour barrer la route à la propagation des messages de haine. Cette attitude de responsabilité, cette attitude de justice, cette attitude de paix, de pacifiste, Invite l'enfant qui le regarde à être responsable un jour. Invite l'autre qui a eu peur de combattre sa propre peur et d'agir positivement, d'agir pacifiquement et d'agir, d'être un acteur de la paix ou un témoin de la paix, tout au moins. Parce que au lieu d'assister comme un match de football, sans rien faire, vous devenez finalement complice. Qui assiste sans rien faire dans des situations difficiles, dans des menaces, dans des crimes, il assiste comme ça, il est taxé de complicité. Il faut prévenir les violences. La vérité et la justice pacifient les communautés, ajoute-t-il. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ne tournez pas le bouton. Les programmes de Radio Isanganiro continuent. Isanganiro.